Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission livresque Préface pour parler bouquins ou d'autres autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales et le thème aujourd'hui c'est la fantasy. Plongez avec nous dans ce genre de la littérature, de l'imaginaire. Et pour en parler plus en détail, nous avons un invité, Rémi Beaumont. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un auteur lorrain, vous venez de Meurthe-et-Moselle plus exactement, et vous êtes à l'origine d'une saga de fantasy qui s'appelle Légendion. Nous sommes d'ailleurs ici pour parler de votre saga, dont un troisième tome devrait bientôt paraître, mais aussi de vous et de votre relation à la création littéraire. Donc d'abord, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas votre saga, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors ma saga se déroule dans un univers médiéval, les ruines d'un monde, 9 siècles après une terrible guerre. On va suivre deux personnages, deux amis d'enfance, qui essayent de se retrouver après un terrible passé. Et tout un voyage va en découler l'un et l'autre et va mettre en place petit à petit une histoire qui va nous en apprendre plus sur les origines de ce monde, qui va nous en apprendre plus sur la mythologie, ça va faire intervenir les anges, la magie, une magie qui est interdite depuis 9 siècles, qui a été oubliée, toutes les sorcières ont été traquées. Et toute l'histoire va se mettre en place comme ça à travers des flashbacks et puis nos deux personnages principaux. Donc c'est une histoire de fantasy avec plein de personnages, plein de mythologie, vous avez créé le monde de A à Z. Tout à fait. Et pourquoi ce choix du genre de la fantasy ? Le choix principal, c'est surtout parce que quand on écrit, il faut savoir de quoi on parle, si on ne veut pas dire de bêtises. Écrire au passé, donc du Moyen-Âge ou une autre époque, c'est compliqué, il faut vraiment être calé. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais 17 ans. À 17 ans, je ne me sentais pas de me plonger comme ça dans une époque et de la retranscrire. Donc je me suis dit, je vais construire de A à Z mon univers, comme ça, c'est moi qui pose les règles, c'est moi qui gère tout. Vous commencez à répondre à ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire finalement ? J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, mais je ne savais pas du tout comment l'exprimer cette imagination. J'étais en froid avec la littérature, toute ma scolarité. J'ai jamais d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à lire, je lis extrêmement peu. C'est toujours le gag sur les salons, quand les gens ils disent « Vous lisez quoi ?» Et moi je réponds « Bah je lis pas en fait, j'aime pas trop lire. » C'est vrai que pour un écrivain, la plupart du temps, on se dit on lit beaucoup, mais finalement, il y a des écrivains qui ne lisent pas beaucoup non plus. Et l'écriture, c'est plus une façon de se libérer de plein de choses. Donc c'est un peu peut-être ça pour vous aussi. Oui, et ça n'occupe pas l'esprit comme la lecture. Moi, je sais que la lecture m'ennuie. C'est trop lent. J'arrive pas. Parfois, j'y arrive, mais c'est quand même assez difficile de s'immerger comme ça dans l'univers de quelqu'un. Et je peux pas reprocher aux gens de ne pas y arriver s'ils n'y arrivent pas. Mais écrire demande beaucoup plus d'attention, d'énergie. Et puis, on vit les scènes, on est dedans en temps réel. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous écrivez encore alors que vous avez commencé il y a déjà quelques années. Oui, mais ça fait 15 ans que j'écris. Et c'est bien une des rare chose dont je ne me suis pas lassé en activité dans ma vie. Et du coup, ça représente quoi l'écriture dans votre vie ? Ça représente 50%, c'est un pilier sur lequel je me repose en fait. Je suis quelqu'un d'assez énergique, qui part dans tous les sens et ça m'a beaucoup aidé à me canaliser, à évoluer. Autre question assez importante du coup pour le thème de la fantaisie, est-ce que vous avez des inspirations donc littéraires ou autres, si vous lisez pas énormément ? J'ai grandi avec les jeux vidéo, ça a représenté toute mon adolescence. Ça m'a permis de m'immerger dans des mondes où j'étais l'acteur et vraiment l'acteur de mes actions et où je pouvais laisser libre cours à mon imagination. J'ai appris à raconter des histoires avec des univers comme Final Fantasy ou dans le plus occidental, la saga des Elder Scrolls. Donc en littérature, non, j'ai bien essayé Le Seigneur des Anneaux. J'aurais peut-être pas dû commencer par là. Ça m'a découragé, je crois, de la fantasy parce que c'était un style très très lourd à lire. J'ai peut-être lu aussi de David Gemmell, Légende, mais c'est vraiment pas là qu'on trouvera mes inspirations. J'aime le cinéma, j'ai beaucoup aimé Willow quand j'étais enfant, c'est Stardust plus tard. Et puis évidemment, Le Seigneur des Anneaux m'a beaucoup inspiré à mon adolescence, mais pas la littérature. Il faut dire que Tolkien, c'est très compliqué à lire, vu la description qu'il y a, qui est aussi une caractéristique de la fantasy. Je ne sais pas si vous le faites. Alors, je déteste les descriptions à rallonge, qui s'étalent sur 5 pages et qui racontent chaque petit brin d'herbe qui peut se trouver dans le coin. Du retour de mes lecteurs, on dit souvent que mes descriptions, il y a juste ce qu'il faut. Ça permet d'avoir une vision très cinématographique qu'ils me disent, et ça tombe bien, puisque je suis très inspiré par le cinéma, donc je pense, d'écrire les choses comme je les vois dans ma tête, c'est-à-dire comme un film, en fait. C'est plus de la lecture audiovisuelle que de la lecture littéraire, finalement. Si on peut inventer un nouveau concept comme ça, alors. Eh bien, allons-y, partons sur ça. Merci beaucoup. Et pour continuer un petit peu sur le même thème, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir un manga de Dark Fantasy. Toujours en cours de parution, d'ailleurs, c'est Berserk, de Kentaro Miura. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Eh bien, c'est bien, vous allez découvrir. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un opening que j'aime beaucoup, qui est celui de Sword Art Online. C'est Courage par Haruka Tomatsu, donc on écoute ça tout de suite. On va voir si ça correspond un petit peu à votre univers de fantasy. À tout de suite. Voilà, c'était Courage de Haruka Tomatsu, donc le deuxième opening, je crois, de SAO, qui met bien en musique le thème de la fantasy, selon moi. C'est assez compliqué, comme je l'expliquais, de trouver un thème musical chanté sur la fantasy, donc bah, on est parti sur des animés que j'espère que vous connaissez, qui sont des très bons animés. Donc on va quand même revenir sur le sujet de l'émission préface du jour, qui est la fantasy. Donc niveau référence fantasy, personnellement j'ai lu Eragon, Magique, L'Apprenti d'Araluan, Le Hobbit, un peu de Robin Hobb aussi, bon, beaucoup de références jeunesse finalement. Et j'ai plutôt découvert l'univers fantasy dans les mangas et les animés, avec Berserk, Claymore, Akame ga Kill, Soul Eater, Sword Art Online qu'on vient d'écouter, Fullmetal Alchemist et encore beaucoup beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui du coup j'ai envie de me concentrer sur Berserk de Kentaro Miura. Donc c'est un manga qui paraît depuis 1989. J'étais pas du tout née. J'étais malheureusement déjà née. Donc c'est un manga qui est édité par Glénat en France depuis quelques années et qui compte déjà 40 tomes. C'est un seinen de dark fantasy, comme je le disais avant. En gros, le public visé, c'est les jeunes adultes, parce que c'est très trash et très violent. Berserk, c'est l'histoire de Guts, ou Guts, comme certains aiment le dire, un guerrier à l'épée démesurée qui est aussi tueuse de dragons. Donc la première partie de la saga se concentre sur Guts, qui est plus jeune, et sa rencontre avec le chef de la troupe du Faucon, Griffith. On va donc suivre les victoires écrasantes de cette bande de mercenaires et surtout assister à l'élément déclencheur, qui fait de Guts du premier tome le Guts actuel. que je ne vous dévoilerai pas. Hein. Cet élément déclencheur est très très bien parce qu'il est gore déjà et très bien dessiné et surtout parce que j'aimerais bien que vous le découvriez de votre côté. Bref, en quelques mots, Berserk, c'est un monde de fantasy médiévale qui met en avant des thèmes très lourds comme la religion, la pédophilie, l'infanticide, l'inceste, le viol ou encore la violence. Donc si les massacres ça vous dégoûte un peu et que vous avez un code moral assez rigide, c'est pas fait pour vous. Ça va pas vraiment vous plaire. Dommage parce qu'au-delà de ces aspects assez trash, le manga est graphiquement sublime. Les décors typiques des mondes de fantasy sont magnifiques, les personnages sont très bien développés et leur chara-design est très représentatif de leur personnalité. Les créatures sont aussi très bien dessinées dans leur férocité et leur beauté. Et surtout, l'histoire est très très bien faite. Le fil narratif est très bien amené, on comprend tout en même temps. Et en même temps, l'élément déclencheur, il déclenche de nombreuses questions chez nous. Donc c'est un manga que je vous conseille beaucoup si vous avez le recul nécessaire de sa compréhension et qui de toute façon n'a attendu ni mon avis ni même ma naissance pour être célèbre et être reconnu dans le milieu. Quand même, c'est un gros nom, Berserk, aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour ce manga. D'ailleurs, pour finir sur l'œuvre de Miura, il a commencé un nouveau manga qui compte seulement 3 chapitres au Japon pour le moment et qui s'installe encore dans un monde rempli de mythes. Donc j'ai hâte qu'un premier tome paraisse au Japon puis en France. Sinon, comme on en parlait avant, le milieu des mangas, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment? Si, si, j'ai connu pendant mon adolescence, j'étais un gros fan de Shaman King, qui m'a beaucoup transporté quand j'étais ado, et puis j'ai essayé un peu One Piece, mais ça tire vraiment en longueur. Alors, Ça fait plus de 20 ans et c'est pas près de se terminer, j'ai fait un petit calcul, normalement ça devrait se terminer en 6 ans et demi. Voilà, on serait un petit peu moins de 30 ans, ce sera très bien. Et donc Berserk, vous connaissiez pas du tout? Je connais pas du tout et peu à peu, je dois admettre que je suis devenu un petit peu hermétique à l'univers japonais parce que le fait de surjouer dans les comportements des personnages en général, ça ne m'atteint plus à force, je dois dire. Après, je ne sais pas si ce genre de fantasy, de dark fantasy, ça vous intéresse vraiment ou si vous êtes plutôt sur du light fantasy, si on peut dire. J'arrive encore à plonger dans certains univers de manga. Comme vous avez cité Fullmetal Alchemist, évidemment, c'est un classique et j'ai beaucoup aimé cette série. Mon univers, je ne sais pas trop comment je peux le positionner par rapport au reste de la fantasy, déjà parce que je n'en consomme pas en littérature. Et la violence est là, mais je construis mes personnages avant tout et j'ai cette conviction que c'est en construisant vraiment bien ces personnages que derrière toute l'intensité émotionnelle peut avoir du sens. Donc la violence est là, mais elle sert le propos. Je ne suis pas fan de la violence qui est là juste pour faire du gore parce que c'est cool le gore. Je comprends qu'on puisse aimer ça, hein, mais j'ai besoin que les choses aient du sens pour que ça me parle. Après, pour vous rassurer, Berserk, il y a du gore, mais c'est à bon escient et c'est vraiment autour du personnage parce que le personnage est plus connu pour son côté très sombre. Et c'est vrai que du coup, la violence est là pour faire du personnage un personnage encore plus sombre qu'il ne l'est déjà. Même si, bon, certaines fois, on se dit c'est un peu de la violence gratuite, mais ça va. C'est surmontable, je trouve. Si c'est certaines fois, ça va. Si le personnage est mature, si l'histoire est mature, il est tout à fait possible que ça me plaise. Je vous laisserai découvrir dans ce cas. Je regarderai ça. Donc avant de clore cette émission qui va déjà se terminer, on va faire une dernière pause musicale et écouter un autre opening que j'aime beaucoup, qui est celui de NN Shobutai ou Fire Force, et qui ferait, je trouve, un très bon opening pour Berserk, vous allez voir. C'est Mayday de Cold Rain. Why you want to, don't you? Your crooked desire left us in distress. C'est l'opening de Fire Force, le deuxième opening, qui est signé par Colrain, qui s'appelle Mayday, qui est un peu trash aussi, hein, c'est du bon gros métal japonais, et qui correspond bien du coup au tempérament de Guts, selon moi. Donc voilà, l'émission se termine sur cette musique. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou de relire ses œuvres, et qu'elle vous aura fait découvrir surtout de nouvelles choses. Donc encore merci à vous, Rémi Beaumont, pour votre présence. C'était un plaisir. Et petit rappel, vos deux premiers tomes de Légendion sont disponibles aux éditions Des mots qui trottent, oui. Au prix de 13 euros pour le tome 1, Le Cercle de Seiya, et 14 euros pour le tome 2, pour Les Feux et Réances. C'est bien ça ? C'est ça. On peut retrouver toutes vos actualités sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, principalement la page Facebook. Et puis si vous voulez le trouver facilement, actuellement il est disponible à la Caverne du Gobelin, qui a aimablement accueilli mon ouvrage. Sinon, Berserk, si vous voulez le retrouver, c'est disponible aux éditions Glénat au prix de 6,80€. Donc voilà pour les informations pratiques. Après cette émission, vous pouvez retrouver European Roll à 17h30 et ensuite on a accès à foot de 18h à 19h en direct sur Fadjet. Voilà pour cette émission, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture. Salut!